garçon, un bel après-midi d'automne, il n'a rien à faire. Il lui faut une quête, un idéal. Tiens, se dit-il, je vais partir à la recherche de mon créateur. Chico Lousson va consulter un psy. Monsieur, je voudrais retrouver mon créateur, mais je sais pas par où commencer. Le psy lui dit, réponds à mes questions. Quelles sont tes fonctions? À quoi sers-tu? Je sers à endormir les enfants. Alors tu es un télibère, va voir Ted Kennedy. Et c'est ce que Chico fait. Est-ce que tu as eu une enfance magique, suivie d'un destin tragique? Lui demande Ted Kennedy. Chico dit non, alors Ted répond, tu n'es pas un Kennedy. Chico Lousson, voit un anthropologue. De quoi es-tu fait? Quelle est ton essence? De pluche et de coton? Alors tu vois venir des champs de coton des États-Unis d'Amérique. Chico va alors voir les descendants des esclaves des champs de coton des États-Unis d'Amérique. As-tu été persécuté, ségrégationné? Demande le petit-petit-petit-fils de l'oncle Tom. Chico dit non, alors tu n'es sûrement pas des noms. Voyons voir ce qui est écrit sur l'étiquette que tu portes. Made in China, ah, tu es sûrement chinois. Chico se rend à Pékin et veut voir Mao Zedong. Il est en réunion, dit sa secrétaire. Mais si vous voulez bien patienter dans la salle d'attente, il finira sûrement par vous recevoir. Deng Xiaoping passe et s'en va, et Chico attend toujours. Mais un beau jour, un cadre subalterne du Parti communiste a pitié de lui. Il fait des recherches et il trouve une vieille machine toute rouillée. Tiens, voilà ton créateur. Tiens, voilà ton créateur. Tiens, voilà ton créateur. Satisfait, Chico rentre chez lui. Se sent soudain désœuvré quand il n'a plus rien à rechercher. Alors, il se met à se demander, mais qui donc est ma mère biologique? Mais qui donc est ma mère biologique? Mais qui donc?